Je redis, grandir en Tessie n'en est pas une tragédie. Chacun peut s'en sortir avec la niaque et l'envie. Être un lion dans la jungle pour assurer sa survie. Je dis combien de fois par jour je pense, combien de fois je me penche sur le cas des gens de ma tête. Non, franchement, y en a peu qui changent, certains qui flanchent. Je ne compte même pas ceux qui se testent en bas de ma fenêtre. Je crois que c'est toujours les mêmes qui se posent. Toujours un nouvel arco pour se redire les mêmes choses. Si je gratte un texte pour ma thèse. Un texte pour qu'il y a un problème, gars. Ici trop de gens attendent le messie. Ici comme ailleurs, celui qui réussit il fait chier. Le pire c'est les habitudes, le pire c'est l'attente. Ici il y a plus de rêves que d'où je viens, je l'ai déjà dit et je le redis. Grandir en Tessie n'en est pas une tragédie. Chacun peut s'en sortir avec la niaque et l'envie. Être un lion dans la jungle pour assurer sa survie. D'où je viens, je l'ai déjà dit et je le redis. Grandir en Tessie n'en est pas une tragédie. Chacun peut s'en sortir avec la niaque et l'envie. C'est combien de fois par jour je pense, combien de fois je me penche. Ah, est-ce une fatalité, yeah. Non, j'espère un jour voir cela cesser. Mais pour l'instant, trop de jeunes slash, trop de jeunes, trop de jeunes crack, trop de jeunes braques, trop de jeunes, trop de jeunes cernes, trop de jeunes die, trop de jeunes. Trop de jeunes stone, trop de jeunes perdent leur contrôle. Certains s'en sortiront pour une femme. Un départ ou un décès, mais même désespérés pour leur famille, pour leur respect. Mes soldats soient leur aspect. La jeunesse devient de plus en plus speed. Maintenant je m'inquiète pour la génération des kids. C'est combien de fois par jour je pense, combien de fois je me penche sur le cas des gens de ma. Grandir en Tessie n'en est pas une tragédie. Chacun peut s'en sortir avec la niaque et l'envie. Être un lion dans la jungle pour assurer sa survie. D'où je viens, je l'ai déjà dit et je le redis. Grandir en Tessie n'en est pas une tragédie. Chacun peut s'en sortir avec la niaque et l'envie. Être un lion dans la jungle pour assurer sa survie. Je sais que c'est pas facile, mais jeune, faut qu'on s'en sorte. Infiltrer le système par la fenêtre ou la porte. À force de semer la haine, c'est la haine qui les récolte. J'suis pas un porte-parole, mais ma parole porte. Donc j'm'adresse à la jeunesse en tant que voix du ghetto. Cousin, je sais que c'est chaud, mais c'est pas Soweto. Faut arrêter de ronfler, se lever un peu plus tôt. Demain, tous ensemble afin de briser le veto. Et moi j'leur dis, d'où j'viens, j'l'ai déjà dit et j'le redis. Grandir en Tessie n'en est pas une tragédie. Chacun peut s'en sortir avec la niaque et l'envie. Être un lion dans la jungle pour assurer sa survie. D'où j'viens, j'l'ai déjà dit et j'le redis. Grandir en Tessie n'en est pas une tragédie. Chacun peut s'en sortir avec la niaque et l'envie.